Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Les amis du grain des mots sur Radio Clapas 93.5. Ben voilà, notre rentrée, deuxième émission de la rentrée déjà, de la rentrée littéraire, s'entend bien entendu, avec aujourd'hui au micro Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et Christian qui a fait écho à la voix d'Isabelle. Exactement. Ils ont fait un beau duo. Voilà. Et puis Marc. Nous allons parler de livres, tu disais. Oui, nous allons parler de livres. Parlons de livres. Hein, voilà. Et puis Marc, donc. Et puis, bien sûr, ne l'oublions pas, Pierre-Jean à la technique, sans qui vous ne nous entendriez même pas. Oui, mais précisons que Pierre-Jean a une assistante de qualité à côté de lui qui s'appelle Martha. Et bienvenue à Martha pour son stage. Alors, rentrée littéraire oblige, on va parler de livres, de plusieurs livres différents. Alors, préparez votre papier, préparez votre crayon pour prendre des notes au vol. Alors, Isabelle, tu vas nous parler d'un premier livre qui, j'espère que tu ne vas pas trop pédaler pour nous le présenter, si je puis me permettre, puisqu'il s'agit d'un livre qui s'appelle « Petite reine », qui n'a rien à voir avec le vélo, de Jimmy Levy, qui sort ou est sorti aux éditions du Cherche-Midi. Alors, voilà. Petite reine. Non, je ne pédalerai pas parce que on ne parle pas de bicyclette. Petite reine, c'est le premier roman de Jimmy Levy. Jimmy Levy est scénariste, producteur. Donc, je répète, c'est son premier roman. Et je vais commencer par la fin, pour vous dire que c'est un premier roman, mais un roman à découvrir. En principe, on termine par ça, c'est la conclusion. Quand on a tout bien expliqué, tout mis en appétit, ben moi, c'est le contraire. C'est le contraire parce que si on commence, comme on fait d'habitude, à ouvrir et à lire les premières lignes, on se demande si on va continuer. Je le lis ? Allez, nous t'écoutons. Quand je suis née, mon père était mort depuis un bon quart d'heure. C'est la tradition quand la femme du chef clanique accouche d'une fille. On découpe le chef pour le jeter au chien. Papa n'a eu pas besoin de me voir tout entière pour savoir que son heure était venue. Quand je suis née par le siège et que ma tête est restée coincée un bon quart d'heure après que j'ai eu les jambes et le ventre en l'air, je n'ai jamais croisé le regard de mon père ailleurs que dans celui des chiens qui le digéraient. On se dit « allons bon ». Ça, oui, ça commence de façon un drôle de début, effectivement, voilà. un peu raide. Bon, alors là, c'est l'histoire de... Ça nous laisse sur notre fin. Ah, non, franchement, bon. C'est le paraoutant. Il fallait oser. Il fallait oser. Il peut le faire. Et donc, là, c'est le début, si on peut dire, oui, dans la vie de Anoua. Anoua, c'est une Africaine. Et donc, on a compris qu'elle vivait dans une drôle de tribu. Existe-t-elle vraiment, cette tribu? Et pour elle, c'est pas non plus terrible, parce que le chef du clan, donc qu'il attend tout simplement qu'elle soit pubère pour pouvoir en profiter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans ces petites reines, il y en a une, Anoua, et une deuxième, qui est tout à fait à l'opposé, une Américaine, très riche, ça arrive chez les Américaines. Il y en a. Alors elle est vieille, et elle attend tout simplement Alzheimer, parce que Elle veut tout oublier parce que, dit-elle, les souvenirs, c'est dégueulasse. Ça ne rappelle que ce qui manque, juste pour rappeler que ça manque. on devrait pouvoir se vidanger la mémoire dans une fosse commune, où on ne reconnaîtrait plus les siens. Les souvenirs, c'est une foutue saloperie de punition. Donc, dans ce livre « Petite reine », il va y avoir que des courts chapitres avec ces histoires d'Anoua et de l'Américaine. Donc, on se demande, mais enfin, qu'est-ce qui va bien se passer entre elles ? Comment ça va se passer ? Une est si loin, elle traverse l'Afrique et elle arrivera en Amérique. Je vous en dis un peu plus. Et là, il y a cette Américaine qui veut tout oublier. Et l'autre qui vit avec tous ses souvenirs. C'est un livre, audacieux. Ouais, je crois que ça le définit assez. Un livre audacieux qui heurte, qui peut heurter. Bon, Christian, ça ne l'a pas du tout gêné. Qui fascine. C'est un livre que je recommande fortement. C'est un livre qui... En fait, où ces deux vies qui sont aux antipodes, hein, bien sûr, et l'Amérique et l'Afrique, deux vies totalement différentes, on parle quand même avec une écriture assez étonnante des violences faites aux femmes. Voilà. Et de leur corps possédé n'importe comment. Voilà. Je crois que j'ai tout dit parce qu'après, après, il faut le lire. Eh bien, voilà. Un livre, effectivement, à découvrir. À nos lecteurs de découvrir ce livre. Tu nous redonnes le titre, s'il te plaît, et le nom de l'auteur. Petite reine, il ne s'agit pas de bicyclette. Vous verrez pourquoi j'insiste. Et Jimmy Lévy, c'est l'auteur. Aux éditions du Cherche-Midi. Voilà. Alors, Amérique-Afrique, c'est quand même, tu as attaqué raide, si je puis dire, le premier livre, c'est... Oui. Ah, à découvrir, mais pas si simple. Non. Alors, allez, on va faire un petit voyage entre l'Afrique et l'Amérique, un peu plus tranquille. Voilà, une autre forme de voyage entre l'Afrique et l'Amérique avec le jazz, un jazz qui est passé par l'Europe, là aussi en l'occurrence. Hein. Qui est passé par l'Europe, qui est passé évidemment par The Hilversum Concert, c'est un trio, c'est le trio de Bill Evans, l'album s'intitule Another Time, c'est une sortie récente, il y a je pense une profusion de concerts qui n'ont pas encore été édités de Bill Evans. Et là, c'était tout simplement Emily qui deviendra un des standards des trios de Bill Evans. Voilà. Alors, on continue avec cette rentrée littéraire. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 avec les amis du Grain des Mots. Alors, on a plein d'éditeurs différents. On est avec le Cherche Midi. Maintenant, c'est une publication des éditions Zulma. Jean-Marie Blas-Robles, dans l'épaisseur de la chair, et c'est Christian qui nous en parle. Petite précision, Jean-Marie Blas de Robles. De Robles, de pardon. Robles, dans l'épaisseur de la chair. Oui. J'ai zappé le 2. Alors, c'est effectivement, je le dis franchement, un très beau livre. Précisons que Jean-Marie Blas de Robles viendra à la librairie du Grain des Mots le 18 octobre pour nous parler de son ouvrage. C'était aux éditions Zulma, et les éditions Zulma que nous affectionnons tout particulièrement ici au Grain des Mots. Ben, c'est un, comment vous dire ça ? C'est l'histoire, en gros, de ce qui se passe dans l'esprit d'un personnage et qui va reconstruire l'histoire de son père, alors qui va mêler à la fois fiction et réalité historique dans une sorte de va-et-vient continu. L'arrière-fond historique, précisément, c'est la guerre d'Algérie, et je dis bien la guerre d'Algérie, hein, et non pas les événements comme on les a très longtemps qualifiés. Et donc, c'est l'histoire raconté par son fils, d'un certain Manuel Cortés. Et puis, il y a un personnage tout à fait étonnant qui vient scander, qui vient donner une sorte de rythme à ce roman, qui est un perroquet. Et figurez-vous que ce perroquet s'appelle Heidegger. Donc le perroquet Heidegger vient régulièrement interroger le narrateur, celui qui est en train de nous conter cette histoire-là. Alors, ça se passe donc dans les années 40-42. Le personnage dont il est question, à savoir Manuel Cortés, c'est un personnage qui a une particularité. Bon, il a une vie assez, comment vous dire ça, assez active, assez riche. Et c'est un personnage qui ressemble, qui est une sorte de sosie de l'acteur Tyrone Power, qui, évidemment, a son importance, ce détail-là a son importance, non seulement, comme le dit l'éditeur, auprès des dames, mais ça fait image quand on le lit, et ça remet chaque fois en perspective historique le roman de Robles. Voilà. Je ne vais pas être trop long, puisque je vous le redis, nous y reviendrons le 18 octobre à la librairie du Grain des Mots. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant, vraiment même plus qu'intéressant, franchement passionnant, une belle écriture. Si vous m'accordez, je m'adresse à mes complices, quelques instants, je vais vous faire une lecture pour vous donner un peu une idée du style de l'auteur. Il décrit des moments de guerre à ce moment-là. Au commencement sont les entrailles. Celles des chevaux avant celles des hommes, d'infâmes embrouilles intestinables livrées au harcèlement des mouches. Il les a vues partir à l'aube sur un versant de pantano. 200 cavaliers marocains lancés au galop vers la mitraille, avec leurs casques hauts sur le turban et les rayures gris-noires de leurs burnous de montagne. Sous eux, leurs chevaux blêmes, petits et chevelus, à peine débarqués de l'Atlas, s'éventraient en pleine course, dans le jour naissant. Au commencement sont les obus, les mines, les roquettes, à coups d'éclairs, de zébrures crépitantes, à coups de cisailles dans le ciel, de foudres redoublées, il voit se déchaîner, s'enfler, se dissiper, se ranimer en convulsions soudaines, se durcir à nouveau, la fureur monstrueuse qui embrasse la terre, modifie à l'aveugle le paysage, le tord, le lacère, le barbouille de sang et de cervelle, la somme d'une trépidation divine. Voilà une petite idée du style de l'écriture de Jean-Marie Blas de Robles. Une écriture, ce que tu nous en as lu, qui n'est pas sans faire écho au premier livre que nous a présenté Isabelle. Oui. Hein, il me semble qu'il y a une... Oui. Dans un style différent, il y a quand même une couleur proche dans par ce qui est raconté. Alors, bah, Isabelle, tu es un autre livre. Alors, on rappelle Jean-Marie Blas de Robles, voilà, qui sera à la librairie le 18 octobre, c'est un mercredi. À 19h, comme d'habitude, la librairie Le Grain des Mots, boulevard du Jeu de Paume. Et c'est dans l'épaisseur de la chair, aux éditions Zulma. Exactement. Alors, nous changeons d'éditeur. Nous allons aller voir ce qui se passe du côté de Flammarion avec Isabelle, je ne sais pas s'il s'agit de toi, la femme à la mobilette. Femme à la mobilette. Il n'y a pas femme. Là. Ah oui, non, femme. Mais c'est toi, ah, la oui. femme à la mobilette. Non, non, non, parce que quand on me connaît un peu, on sait que je fais de la bicyclette. Mais bon, pour ce coup, c'est une femme, on verra, qui sera sur la mobilette. Donc, c'est un livre paru aux éditions Flammarion, écrit par Jean-Luc Seigle. Ce n'est pas son premier livre. Peut-être certains ont-ils déjà lu « En vieillissant, les hommes pleurent » ou « Je vous écris dans le noir ». Voilà, je vais parler du livre. Reine. Reine, c'est la femme qui sera sur la mobilette. Reine, ben, comme son prénom ne le laisse pas présager, Reine, c'est une femme de la France d'en bas. Oui, celle dont on ne parle pas trop. Reine vient d'être quittée, enfin a été quittée même, par son mari. Elle a été quittée quand elle a perdu son emploi. Elle a perdu donc son mari, son emploi, ça se passait il y a 3 ans, et elle garde ses 3 enfants, avec toutes les difficultés que ça veut dire. Ses enfants, c'est sa vie bien sûr. Elle les aime tellement jusqu'à les tuer. Enfin, les tuer. Elle pourrait le faire. Elle se demande même si elle ne va pas devoir le faire et se tuer après. Tellement c'est dur ce qu'elle vit. Bon. Reine, on l'a compris, est une femme qui souffre, mais qui est très très attachante. Reine, elle a pour elle aussi la poésie. Enfin, des mots qu'elle invente. Et voilà comment elle se décrit. Elle est toute débobiné. C'est un mot qu'elle a créé. C'est le mot qu'elle a inventé pour donner un nom à cette fatigue qui la défait et la met en morceaux, qu'elle a bien du mal à rassembler ensuite. Vous avez compris, donc vous voyez, Reine. Eh bien, il va lui arriver 2 choses extraordinaires. Grâce à, je sais pas si on dit, des engins, des machines qui vont changer la vie, qui vont l'aider à vivre. D'une part, une machine à coudre s'ingère. Je me tourne vers mes... Voilà qui nous rappelle des choses. Voilà. Parce que... Alors, on va expliciter pour les auditeurs. Parce que là, après, c'est la private joke. Nous avons... Oui, sinon, ça fait très private, voilà. Nous avons commis, si je puis dire, l'année dernière... au printemps, des lectures autour d'auteurs haïtiens, d'Haïti, donc, bien sûr. Et Haïti, dans l'histoire d'Haïti, dans l'éducation en Haïti, la machine Saint-Gère a eu un rôle extrêmement important, puisque c'est avec ça que les femmes des milieux les plus modestes avaient une machine Saint-Gère et pouvaient faire coudre, pas seulement pour la famille, mais faire vivre toute une famille grâce à leur travail. Et plusieurs écrivains, dont René de Pestre, que nous y avons rencontré, ont écrit des textes assez magnifiques sur cet objet pourtant bien ordinaire et un peu oublié, qu'est l'extraordinaire machine Saint-Gère. Alors on la retrouve ici, c'est effectivement un joli clin d'œil. De Pestre disait « Son aiguille de la machine tendait des pièges fantastiques à la fin voilà. ». Voilà, ça c'est René de Pestre, voilà. La machine Saint-Gère. Vous suivez ? Oui. Donc, cette machine à pédale Saint-Gère l'aide. C'est la machine de son arrière-arrière-grand-mère, la Madeleine, qu'elle avait achetée en 1900 pour célébrer le nouveau siècle. Vous voyez que c'est une machine qui se passe de femme en femme en femme, puisque maintenant, on parle de maintenant. Et avec cette machine, elle coud, bien sûr, mais elle fait des tisaneries. Vous voyez ce que c'est des tisaneries ? Non, c'est encore un mot qu'elle invente. Tout ça, c'est pour essayer de vous montrer comment fonctionne Reine, comment elle survit. Elle est extrêmement attachante. Bon, alors, il y a la machine Saint-Gère et puis il y a la mobilette. Elle trouve cette mobilette au fond de son jardin qui était devenu un coin de ferraille, enfin bon, qui n'était plus un jardin, bien sûr, tout était entassé, enfin bon. Et cette mobilette, une mobilette bleue, elle se met à elle la sort et elle fonctionne. Quelques ratés, très peu, elle fonctionne. C'est extraordinaire. Et cette mobilette devient sa planche de salut. Alors imaginez-la, elle est sur cette mobilette bleue et grâce à elle, elle peut accepter un emploi. Aux pompes funèbres, personne n'en voulait, hein, mais elle peut. Et alors elle part. Et elle, pour se protéger des intempéries, elle a construit, elle s'est recousue, une grande cape protectrice avec un rideau de douche. Un rideau de douche avec de grosses pivoines rouges. Et elle traverse, elle fait des kilomètres vers son nouveau métier, qui est celui de passeur. Très cinématographique. Hein. Voilà, j'attendais. Ah, sur la mobilette, avec la cape, les pivoines rouges. Voilà. La bleue, comme on disait. Oui, c'est voilà. Une bleue, voilà. Et voilà. Et sur cette route, comme ça, elle va rencontrer même l'amour. Après, je ne vous en dis pas plus, parce que bien sûr, il faut lire le livre. Est-ce que ça se termine bien, comme on dit, ça ? Vous le saurez, mais enfin, c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très émouvant, attachant. C'est pas cucu, peut-être. C'est... Voilà, de parler de... Il le dit avec beaucoup de douceur, cette femme, ces gens dont on parle jamais. Je pensais justement au film avec Yolande Moreau. Exactement. Louise Michel, oui. Tout ça, Madmuth. Bon, on... Oui. C'est des oubliés, quoi. Et là, ils sont là, et elle a c'est une figure assez complexe, mais voilà. Quelque chose des frères Dardenne aussi, on pourrait imaginer. Voilà, fragile, mais en même temps, elle surmonte. Enfin, elle se bat jusqu'au bout, à cause de ses enfants, qu'elle appelle des créatures tricéphales, parce qu'ils sont trois, mais pour elle, ils font qu'un. Enfin, c'est quand même fou de pouvoir dire ça. Voilà, et à la fin, le dernier chapitre s'appelle « À la recherche du sixième continent ». Alors, c'est l'auteur lui-même qui parle de son arrivée à New York, son premier voyage, à Ellis Island. Et il rappelle qu'en 1903, juste à un an, il est arrivé plus d'un million de migrants dans cette Amérique-là, qui a construit New York. Voilà, tout ça, c'est pour vous... C'est bien de ne pas l'oublier quand on parle d'invasion migratoire. Exactement, en ce moment, exactement, mais on va c'est... se calmer un peu. Voilà. Son père, son grand-père, qui était communiste, la reine dont ça a été élevé, en fait, toutes ces choses, on a de temps en temps envie de les écouter, quoi. Alors, ou de les lire. Pour savoir comment ça se termine pour Rennes, ce personnage attachant, en tout cas, tu nous l'as déjà rendu éminemment sympathique et attachante. Donc, eh bien, il vous faudra lire... Jean-Luc Seigle, Femme à la mobilette, c'est un roman chez Flammarion. Merci Isabelle. A nickel is a nickel, dime is a dime. House full of children and now one mine. I got to bundle up and go. I got to bundle up and go. Well, you have a pile of women, sure got to bundle up and go. Maybe old, maybe gray. Ain't too old just to ship them, yeah. You got to bundle up and go. You got to bundle up and go. You got to bundle up and go. Sure got to bundle up and go. Yeah. Killed a chicken, thought he was a duck. Put him on the table with his legs sticking up. You got to bundle up and go. Yeah. You got to bundle up and go. Well, you high pile of women, sure got to bundle up and go. Well, mama told Papa, not a fool ass. Look, yeah, Papa, you ain't doing me right. I got to bundle up and go. I got to bundle up and go. Well, you have a pile of women, sure got the ball, let the go. Do la da da da da da da la da da da da da la da da da da da la da da. You have a pile of women, sure got the ball, let the go. Vous êtes sur Radio Clapas 93.5 avec les amis du Grain des Mots, l'association qui soutient les librairies Le Grain des Mots à Montpellier, boulevard du Jeu de Paume. Et ça, c'était John Lee Hooker. Plus précisément... Oui, bien, plus précisément, John Lee Hooker, dans un de ses premiers titres, qui est issu d'un bel album qui s'intitule The Country Blues of John Lee Hooker. Le titre, eh bien, le titre... convient tout à fait au livre dont je vais vous parler par la suite. C'est « Bundle up and go », c'est-à-dire en gros « Fais ton baluchon et tire-toi ». C'est ça, voilà, que ça signifie. La devise John presque, Hooker. En tout cas pas la devise, du mais hobo. Ce que les hobos hobo. Ont dû souvent, souvent entendre. Voilà. Alors on va avoir une histoire de hobo oui. avec « Personne ne gagne » d'un certain Jack Black. Oui. Ça sent le pseudonyme à plein nez. Oh. Et c'est édité par Toussaint Louverture, un oui. éditeur qui a l'habitude de nous faire un très beau travail et de nous oui. réserver toujours de belles surprises. Oui, oui aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture, Personne ne gagne par Jack Black. Alors effectivement, tu as raison Marc, c'est évidemment un pseudonyme. Jack Black, moi je trouve que, ça sonne comme un alcool fort, déjà, on verrait bien ça comme ça, et puis en même temps comme un jeu de hasard. Puisque vous savez très bien que dans les casinos, il y a ce qu'on appelle le blackjack. Donc voilà, on est un peu dans ce registre-là. Alors, Personne ne gagne, c'est un livre... Écoutez, j'emploie rarement l'expression, mais là, il est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le récit, vraiment très bien mené par Jack Black, qui en réalité s'appelait Thomas Callaghan. Et je trouve que Thomas Callaghan, ça sonne encore là, vraiment, on est dans le droit fil. Hein. Et donc, c'est un garçon, il a quoi ? Il a 17 ans, voilà. Et il décide de devenir ce qu'on appelle en anglais un outcast, une sorte d'hors-la-loi. Hein. Il va quitter son milieu familial, il va parcourir les États-Unis, et embrasser l'existence à la fois périlleuse, aventureuse, exaltante aussi de ceux que l'on a appelés, tu le disais Marc, ce qu'on a appelé les hobos, c'est-à-dire les vagabonds, dont une des particularités consistait à ne voyager qu'en train, le plus souvent, des trains évidemment pas dans les wagons passagers, puisque... Dans les wagons de marchandises, voire sur les toits, voire sur les toits. Sous les wagons, sur les essieux, choses comme ça. Et même, surtout pas dans les wagons de voyageurs, il y a presque une éthique là qui s'inscrit. On ne va quand même pas se mêler à tout cela là que l'on méprise un peu, qui sont les bourgeois, qui sont en fin de compte les pigeons qui payent. Quoi. Donc il va voyager comme ça. Et donc le train, les hobos, le train aussi, ce qu'on a appelé les jungles, c'est-à-dire les regroupements de hobos dans des endroits très précis. Alors évidemment, ça ne se passe pas toujours très bien, puisque vous imaginez, c'est peuplé de personnages qui sont parfois très particuliers, parfois dans des comportements très discutables. Il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup d'envie, il y a de la violence, et une violence directe. Hein, les conflits, souvent, se règlent au couteau. Donc voilà, c'est l'écrit, je veux dire, il n'y a aucune complaisance. C'est ça que j'ai particulièrement apprécié. Il n'y a aucune complaisance dans ce récit-là quand les choses sont discutables, quand elles sont moralement à rejeter. Eh bien, Jack Black le dit, il a une morale, il est voleur, pas n'importe quel voleur. Dans le jargon, c'est un yegg, Y-E-G. Qu'est-ce que c'est qu'un yegg ? C'est un perceur de coffres. Alors, excusez du peu, à l'époque, vous savez comment on perçait les coffres ? Je laisse ça, je le dis aux amateurs éventuels. Hein. Et c'était on mettait un bâton de dynamite, une mèche, et on faisait sauter le tout. Alors évidemment, comme les Dalton dans les Lucky Luke. Exactement comme les Dalton. Alors évidemment, ce n'était pas au profit de la discrétion. Donc il fallait pouvoir courir très vite après. Hein, et voilà. Donc, écoutez, c'est C'est un livre, moi, que je vous recommande, ce Perceur de coffres, qui est condamné, évidemment, au pénitencier. Alors là, on a encore une autre facette de la société américaine de l'époque. On est dans les années 20, hein, 20-30. On voit ce que sont les gardiens des pénitenciers, les fameux matons. On voit comme ils se comportent. On se demande parfois... quand on lit le récit de Jack Black, qui sont les vrais délinquants, d'une certaine mesure. Bon. Et puis, il va connaître une période de réinsertion grâce à un personnage qui va l'accueillir chez lui, je ne vous en dirai pas plus, et il va devenir un journaliste. Et ce récit paraîtra en feuilleton. Et c'est donc M. Toussaint Louverture qui nous donne l'occasion, je dirais même la chance, de pouvoir lire ce livre. Et puis c'est un éditeur que j'aime bien et qui a beaucoup d'humour. Simplement, je vous dis, à la fin, voilà ce que nous dit l'éditeur. L'ouvrage compte 480 pages, mesure 125 mm de largeur sur 190 mm de hauteur, avec un dos de 23 mm, ce qui ne représente pas grand-chose par rapport aux étendues franchies à pied, à cheval et en train par Jack Black. Monsieur Toussaint Louverture, personne ne gagne Jack Black. Voilà, alors en même temps, ça s'inscrit complètement dans une certaine mythologie des représentations littéraires et cinématographiques américaines. Mais il y a. Mais je dis, aucune complaisance. Hein. Voilà, il y a un ton qui semble. Voilà, c'est pas Steinbeck, il y a un nouveau ton dans ce que tu dis qu'on peut entendre, et puis que l'éditeur met bien en valeur avec cette. C'est pas un exergue, je sais pas comment on appelle ça à la fin, mais. Oui! Ce commentaire final. Ah ben, et petit détail, à la fin sur la couverture du livre, en quatrième couverture, bien entendu, il y a un code-barre. Hein, vous avez le prix qui est affiché. Par pudeur, je ne vous le donnerai pas. Il est très accessible. Mais l'éditeur rajoute un petit merci à côté du code-barre. C'est tout un esprit particulier. Voilà. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler d'un... On va continuer à rester un peu dans le domaine de quelque chose qui est du noir, du côté du noir et du social. Mais dans un pays, on n'a pas le sentiment que c'est sa place. Là, on est aux États-Unis, un continent, un grand continent. On connaît la tradition des hobos, du gangstérisme et ainsi de suite, de la prohibition, de l'alcool. Enfin, voilà, il y a 10 000 raisons. Et puis, il y a un pays où on n'imagine pas du tout... planter des décors de noir, c'est la Confédération helvétique. La Suisse. Voilà. Non, on n'imagine pas que... Et quoique pour les perceurs de coffres forts, la Suisse est un pays tout indiqué. Il y a des coffres, mais je ne sais pas s'ils sont perçables. Voilà. Ah, d'accord. Ou alors ils sont perçables, mais avec d'autres méthodes que la dynamite ou même que les perceuses ou je ne sais quoi. Bref, voilà. Il semble qu'il se passe quelque chose depuis quelques années en Suisse où il y a le roman noir commence à être un genre reconnu, estimé, qui a ses propres manifestations. Au mois d'octobre, on va avoir un festival de romans noirs, le Lausanne Noir, à Lausanne, donc sur les rives du Léman. C'est la deuxième édition. D'après mes connaissances, il n'y avait jamais eu de festival de romans noirs en terre helvétique. Donc il y a quelque chose qui se passe. Un certain nombre d'auteurs qu'on commence à voir apparaître et d'éditeurs qui se spécialisent. Alors c'est justement... je suis allé... par là-bas cet été pour rencontrer un auteur de polar dont je vous parlerai dans une autre émission parce que j'ai pu avoir un entretien avec lui, donc je vous en parlerai plus. Mark Woltenhauer, pour Qui a tué Heidi. Et là, c'est un autre éditeur qui s'appelle BSN Press, c'est le nom de l'éditeur. L'éditeur, c'est quand même une personne. C'est Giuseppe Merone, donc d'origine italienne. Hein, et qui vit aussi sur les bords du Léman, et qui a cette petite maison d'édition qui existe depuis 2011, donc c'est tout jeune, et qui s'est fait une spécialité des récits très courts. Et c'est tout à fait intéressant. Alors j'en ai amené deux ici qui sont parmi les parutions récentes. Une auteure albanaise qui est installée à Genève et qui écrit en français, Bessam Iftiou, un petit livre qui s'appelle 17 ans de mensonges et qui nous raconte l'immigration d'un jeune Albanais qui s'est découvert un don pour la boxe et qui va immigrer pour réaliser ses rêves de boxeur ailleurs. Et puis, il va se passer des choses inattendues. Alors, l'éditeur a appelé ça micro-roman. On pourrait dire grosse nouvelle, c'est une nouvelle, parce que c'est des romans qui font à peine plus d'une quarantaine de pages. Et ça, on rentre dans une histoire, on découvre des personnages, et c'est efficace. C'est une écriture très efficace. Et puis j'en... Oui, du reste, je te coupe la parole, excuse-moi. Effectivement, moi, je n'en ai rien lu, mais ça ne peut qu'être efficace, puisque c'est dans la collection Uppercut. Voilà, alors c'est une collection qui, le centre, c'est du noir, qui se passe dans les milieux du sport. Il y a toujours un sport, donc 17 ans de mensonges, c'est la boxe qui a fait un peu fil conducteur. Dans les parricides, c'est le jeu d'échecs. Les parricides, qui est un livre d'une auteure suisse, Sabine Dormont. On va avoir une compétition d'échecs, un enfant embarqué par sa mère dans des compétitions d'échecs. Je vous raconte, mais il y a beaucoup plus qu'une compétition d'échecs. Il y a des enjeux personnels, familiaux et tout, très très lourds derrière. Et puis il y a une autre collection qui s'appelle Fictio, dans lequel c'est du roman plus classique, du roman noir en général. Alors, des auteurs qu'on ne connaît pas très souvent en France. Bon, Bessam Iftiou, on l'a un petit peu vu, il y a eu pas mal de choses publiées depuis une vingtaine d'années en France. Et puis il y a un des auteurs dont il a publié deux titres, qui est un auteur de polar suisse qu'on a bien repéré, Joseph Incardona, dont on a pu découvrir en France « Derrière les panneaux, il y a des hommes », par exemple, ou il y en a un qui s'appelle « Permissé », le dernier s'appelle « Chaleur ». Voilà, alors c'est des choses, des éditeurs, une édition qu'on a un petit peu de mal à trouver en France, parce qu'elle n'est pas très efficacement distribuée. Je vais donner cette information sur les réseaux sociaux en attirant l'attention. Et puis l'éditeur a réagi, m'a dit « Si, mais on est inscrit sur Electre, on est inscrit sur Dilicom. » Alors, ça ne vous dit rien. Electre, c'est la base de données de l'édition en France. Dilicom, c'est celle qu'utilisent la plupart des libraires. Donc, si vous y allez, vous pouvez chercher sur Internet BSN Press et vous aurez... tout leur catalogue, et puis vous pouvez aller voir votre libraire, s'il fait bien son travail, il devrait pouvoir vous les obtenir. Sinon, vous allez fin octobre au festival Lausannoir à Lausanne, et vous pourrez les trouver aussi. Alors, Marc nous a donc apporté deux livres, c'est vrai qu'ils sont très minces, 40-50 pages. Ils sont légers, Je les aime bien, ils sont de belles factures. Ouais. 17 ans de mensonges, Bessam Iftiou. On est bien d'accord. Voilà, Albanaise qui vit à Genève. Voilà. Et Les Parricides par Sabine Dorn. Écoutez, voilà. Deux auteurs, un éditeur, deux auteurs à découvrir. Tout ça pour le prix d'une émission. Et puis peut-être un futur voyage à Lausanne. Voilà. Uppercut, voilà. La collection. Uppercut, c'est le qui met KO le voilà. Mystère. Uppercut et l'autre collection Fictio. Et puis je vous parlerai dans une prochaine émission de Marc Woltenhauer. We'll be right back. 93.5 Radio Clapas. Vous êtes avec les amis du Grain des Mots. Et c'était du jazz français. C'était du jazz français, ma bonne dame. Oui, effectivement, c'est un album tout récent, vraiment, qui s'intitule Spirit Dance. Les compositions ont été écrites par Yves Rousseau à la contrebasse et Christophe Marguet à la batterie. Christophe Marguet est un batteur que personnellement j'affectionne vraiment depuis fort longtemps. Il a joué souvent avec Henri Texier, il a son propre trio, il est souvent leader de formation et c'est un très très bon compositeur. Alors ils sont accompagnés de Fabrice Martinez à la trompette, on l'entend bien là, hein. David Chevalier à la guitare électrique, Bruno Ruder qui est un jeune pianiste qui s'est fait remarquer très favorablement tout récemment, Bruno Ruder au piano et au Fender Rhodes, Yves Rousseau, je l'ai dit, à la contrebasse, Christophe Marguet à la batterie, et le titre c'était Fragrance. Fragrance, en gros, c'est ce que nous essayons de vous transmettre dans cette émission, les fragrances des mots. Ouh, tu me prends par surprise, là. Bon, alors, les fragrances du mot. Alors, on va aller chercher des fragrances italiennes, comme le nom de l'auteur ne l'indique absolument pas, puisqu'il s'appelle Giorgio Van Straten. Giorgio, oui. Giorgio aussi, oui, mais alors, Van Straten, c'est, j'ai bien dit le nom de la précision. Non, ce n'est pas un général allemand, absolument pas. Voilà, c'est publié chez Actes Sud et ça s'appelle « Le livre des livres perdus ». Eh oui, et c'est chez Actes Sud, dans une petite collection qui a déjà un beau catalogue. La collection s'intitule « Un endroit où aller ». Voilà. Ce livre a été traduit, puisque je sais que Marc est toujours attentif aux traducteurs et tu as bien raison, ce livre a été traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli. Ah, Pozzoli, là, oui, on entend l'Italie, hein, on est bien problème. D'accord. Oui. Ma que oui. Bon, voilà. Bon, c'est la dame à la mobilette qui vient d'intervenir. Et donc, le livre des livres perdus, il y a quelque chose là. Il ne s'agit pas d'un roman, voilà. Il ne s'agit pas d'un essai non plus. C'est un genre un petit peu intermédiaire. L'éditeur le nomme récit. Alors oui, d'accord, on va dire que ce sont des récits. C'est assez particulier. Déjà, Giorgio Van Straten, il faut quand même en dire deux mots. C'est un écrivain qui est né à Florence. On peut s'appeler Van Straten et naître à Florence en 1955. Il est traducteur particulièrement de l'anglais. Il a fait partie de la direction d'une revue Nuovo Argomenti et il est déjà l'auteur de plusieurs romans, dont un a obtenu le prix, qui est un prix éminent en Italie, le prix Viareggio en 2000. Il est également l'auteur de nombreux textes, c'est un musicologue, et depuis 2015, il est directeur de l'Institut de culture italienne de New York. Voilà pour le situer un peu la personne. Et alors, ce livre des livres perdus, il y a quelque chose, comment vous dire ça? Il y a quelque chose de borgésien dans ce travail-là. En fait, Giorgio Van Straten s'est intéressé de très près à tous ces livres dont on parle souvent dans les milieux littéraires et chez les lecteurs, de ces livres qui ont peut-être existé, qui ont été évoqués de ci, de là, à l'occasion d'un article ou à l'occasion d'un entretien ancien, plus ou moins récent, plus ou moins, des livres un peu allusifs, des livres à l'existence à la fois paradoxale et incertaine. Tous ces livres-là, dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont, mais le fait même que l'on ne sache pas en fait tout l'attrait. Et donc, il nous propose une sorte de voyage à partir de 8 livres particuliers, spécifiques, dont il a eu connaissance, dont il a entendu parler, dont il a lui-même retrouvé la trace, puisqu'il a fait des recherches en ce sens. Et il nous dit une chose, je vais vous le lire, parce qu'il le dira bien mieux que je ne puis le faire. Un tour du monde en 8 volumes et non en 80 jours. Et à la fin du voyage, j'ai compris que les livres perdus ont quelque chose que tous les autres livres n'ont pas. Il nous laisse à nous qui ne les avons pas, qui ne les avons pas lus, la possibilité de les imaginer, de les raconter et de les réinventer. Le livre des livres est perdu, c'est un hymne à l'imagination. Je vous le recommande tout particulièrement, Giorgio von Straten, aux éditions Actes Sud, dans la belle collection Un endroit où aller. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être donner quelques actualités de la librairie. Et puis, s'il me reste quelques minutes, je vous parlerai encore d'un dernier ouvrage. D'accord. Oui, alors, la librairie du Grain des Mots à Montpellier, c'est une librairie qui est très active et qui reçoit beaucoup d'auteurs, qui organise beaucoup de manifestations littéraires, bien évidemment. Ainsi, le 26 de ce mois, c'est Joël Baquet qui sera à la librairie du Grain des Mots pour son dernier livre édité chez POL, et ce livre s'intitule « La fonte des glaces ». Donc, vous êtes cordialement invités à cette soirée-là. Je pense que ça va être à partir de 19h, hein, je crois. Voilà. C'est du 19h. 19h, c'est ça. Oui, j'ai vu la présentation de l'ouvrage. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez original et assez séduisant. Oui. Je n'en dis pas plus. Donc, venez à la librairie. Voilà, rendez-vous le 26 septembre, là, à 19h, la librairie du Grain des Mots, pour La fonte des glaces de Joël Baquet. Le 3 octobre, eh bien, l'Association des Amis du Grain des Mots fait sa rentrée littéraire. Donc, là aussi, quel est l'esprit de cette rentrée littéraire? Bon, Marc qui est là, il participe. J'ai l'insigne honneur d'avoir à ma gauche la présidente de l'association du Grain des Mots. L'idée est toute simple. En fin de compte, vous me contredirez si je me trompe. Il s'agit de parler de livres que la grande presse, que la presse, généralement, n'évoque pas, ou très peu, ou de façon allusive. Notre prétention n'est pas de venir compléter, de venir conforter, consolider la doxa journalistique, mais nous avons des livres qui nous ont plu. Vous avez entendu, nous avons parlé de quelques titres, les uns les autres. Eh bien, voilà, des lecteurs se fédèrent, s'organisent, se rassemblent, et en une soirée, qui est généralement une soirée sympathique, qui accueille pas mal de monde, hein. Chaque fois, nous avons eu pas mal de monde à la librairie du Grain des Mots. Pour vous dire, pas mal de monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la librairie était pleine à craquer. Il y avait même des gens debout qui venaient y assister. On avait 70, 80 personnes. C'est quand même tout à fait remarquable. C'est ça, la rentrée de l'association du Grain des Mots. Avec un choix complètement subjectif. Très éclectique, également. Et très éclectique de la part des lecteurs, voilà. qui s'intéressent à des oubliés ou des inaperçus de la rentrée, voilà. Avec un intérêt affirmé pour les éditeurs qui ne sont pas en tête de gondole, comme on dit, dont on ne parle pas dans tous les médias. On en a évoqué un certain nombre ici. Oui, on a parlé de Zulman. Pour nous, Zulman est une grosse maison d'édition. Voilà. Donc, C'est donc le 3 octobre, librairie du Grain des Mots, la rentrée littéraire de l'association, toujours à partir de 19h. Le lendemain, toujours à la librairie, vous voyez que les activités sont intenses, hein, dans ce lieu culturel. C'est la présentation de la programmation d'un théâtre de comédiens, de metteurs en scène que nous apprécions tout particulièrement, la présentation de la saison de la baignoire. Voilà. Donc le 4 octobre. Le 10 octobre, je ne vous dirai pas tout, parce qu'après, c'est un vrai catalogue. Le 10 octobre, eh bien, à la médiathèque Émile Zola, là, on change de lieu, hein, mais il n'empêche que c'est toujours la librairie du Grain des Mots qui est à l'origine de cette soirée-là. Eh bien, c'est James Noël qui sera reçu pour son dernier livre. James Noël, tout à l'heure, nous évoquions la littérature haïtienne. Eh bien, nous avons eu l'occasion d'en parler abondamment, ici même, aux Gazettes Café. C'est partie des auteurs que nous vous recommandons tout particulièrement. Voilà, moi j'en avais parlé dans notre précédente émission, James Noël, donc, qui sort pour cette rentrée Belle Merveille aux éditions Zulma, son roman. Son premier roman, oui. Voilà, alors qu'il n'avait publié que de la poésie ou des anthologies de poésie. Donc voilà, une rencontre a priori fort intéressante, voilà, auquel nous vous convions chaleureusement. Et nous revenons dans les locaux de la librairie, du Grain des Mots à Montpellier, pour le 18 octobre. Et là, sera présent Jean-Marie Blas de Robles pour son dernier livre qui s'intitule « Dans l'épaisseur de la chair », lequel livre a fait l'objet d'une courte chronique précédemment. Voilà. Voilà. Alors, juste, vous avez tout bien noté. Donc, nous vous avons parlé aujourd'hui de « Petite reine » Jimmy Levy aux éditions du Cherche Midi. Tu viens de citer, Christian, « Dans l'épaisseur de la chair » de Jean-Marie Blas de Robles aux éditions Zulma. Vous en saurez plus le 18 octobre. Nous avons parlé également du roman de Jean-Luc Seigle, « Femme à la mobilette » chez Flammarion. Nous avons aussi abordé proposition des éditions Toussaint l'Ouverture avec « Personne ne gagne » de Jack Black. Jack Black, oui. Moi, je vous ai un petit peu parlé d'un éditeur suisse à découvrir, BSN Press, Giuseppe Merone, c'est l'éditeur, avec des petits romans, des petits textes fort bien faits et tout à fait efficaces qui témoignent du renouveau, ou en tout cas de l'importance que prend le noir en Confédération helvétique. Et puis, un auteur italien, Giorgio Van Straten, chez Actes Sud, le livre des livres perdus. Parisien en quartet accompagné par Joachim Kuhn. Ce titre, c'est le troisième moment d'une suite extraite de l'album Sfumato, et c'est le clown tueur de la fête foraine. Joachim Kuhn au piano, Manu Kodja à la guitare, Simon Tailleux à la contrebasse, Mario Costa à la batterie, et en invité, Michel Portal, clarinette basse, Vincent Perani, accordéon, Émile Parisien, quintette, Sfumato. Voilà, c'était les amis du Grand Démo, 93.5, Radio Clapas. À bientôt.